stylo en main. Sur une table je m'installe, une feuille blanche je fais ma préparation mentale. Je sens une meilleure cohésion comme la nature au printemps. Voilà des jours que je médite lentement mais rien ne se reprend. Fini le temps où j'exprimais ma colère avec les crocs. Fini le temps où ma vie n'était que rage et chaos. Maintenant le temps de la réflexion est ma seule voie. Reste à la trouver face à ces multiples choix. Le temps de l'orage laisse place à la lumière. Peu à peu mes idées reviennent sur de fragiles ailes de poussière. Cette clairière de passion semble enfin s'éclore. Mais je sens hostile et ma présence dans ce décor. Alors je prends le temps de faire évoluer ma plume. D'aller au fond des choses afin que tout s'écume. De dire qu'on voit aussi bien que nos écrits. Être celui qui cherche à voir loin et reste fidèle à sa vie. Car bien plus qu'un rappeur, je suis l'artisan de mes écrits. Chercher cette voix sans défaut, celle qui élèvera la puissance de mon flot. Chaque jour se fait blanche, me donne de quoi sourire. Je gomme mes peines avec ma plume pour repartir. J'ai longuement cherché cette voix sans défaut, celle qui élèvera la puissance de mon flot. Chaque jour se fait blanche, me donne de quoi sourire. Je gomme mes peines avec ma plume pour repartir. Je continue ma préparation mentale, prends le temps d'avancer et réfléchis à chacune de mes étapes. Je garde cap, tel un navire qui sillonne l'horizon. Je suis cet aventurier qui vogue au travers des saisons. Je cherche dans le yin et le yang ma stabilité qui jadis, j'avoue, si convoitée. Il faut que j'avance à mon rythme pour faire naître mes rimes. Je veux les voir pousser telle une rose au printemps. Mon cœur résonne, je l'entends chanter l'espoir. Fini ce temps, mon esprit broyé encore du noir. La lumière vient nourrir mes racines. Ligne après ligne s'enchaîne en cette saison. Toutes mes rimes, je veux vivre sans peur du lendemain. Ne plus craindre cette peur de l'absence de demain. Traverser le temps aussi fort que mon envie de vaincre. Sache que mon âme de poète n'est pas près de s'éteindre. J'ai longuement cherché cette voix sans défaut, celle qui élèvera la puissance de mon flot. Chaque jour cette feuille blanche me donne de quoi sourire. Je gomme mes peines avec ma plume pour repartir. J'ai longuement cherché cette voix sans défaut, celle qui élèvera la puissance de mon flot. Chaque jour cette feuille blanche me donne de quoi sourire. Je gomme mes peines avec ma plume pour repartir. J'ai longuement cherché cette voix sans défaut, celle qui élèvera la puissance de mon flot. Chaque jour cette feuille blanche me donne de quoi sourire. Je gomme mes peines avec ma plume pour repartir. J'ai longuement cherché cette voix sans défaut, présente quatre saisons à ton album. Quatre saisons avant la forme.